Le hip-hop ressuscite. Et c'est normal. Y'en a qui kiffent la réussite. Et ça devient banal. Qui font de mauvaises ondes. Mauvais canal. Vieille canaille, soif de sous. Mais regarde plutôt en dessous. Descends plutôt dans le trou. Goûter de la rue. Brouter l'abus. Buter les troupes. Et pas pour donner de leçons. Mais faire vibrer le son. Et décider de rien. Ça donne des idées de chien. Mais vas-y, viens, on raconte tout. Quoi qu'on raconte nous. On raconte à tout. Comme les gens sont fous. Ouais, comme l'homme qu'on voit tout. Et qu'on parle coup par coup. Qu'on veut tous prendre la fuite. Comme on veut tout et tout de suite. C'est pour ça qu'il faut trouver la faille. C'est la faillite. Quand t'es juste familier. Et pas dire famille. Encore à cause du billet. Problème par millions. Mais putain, crions. On grave des sillons. Personne rira. Mais même pas fuyons. Bénéfice du doute. Quand notre mal arrivera. Et ça ravira qui. Et puis l'état chavira. Qui applaudira. Qui pariera. Dans ce monde, qu'est-ce qu'on doit. Qui te montrera du doigt. Où on va où. Qu'est-ce qu'on voit. Faut qu'on passe outre. On se repasse tout. À la manière d'une poutre. Qui on se tienne. On fait tomber la foudre. Il y a longtemps qu'on a banni. C'est l'heure des comptes et on se rend compte que la vie passe si vite qu'on n'a pas le temps de grandir. On arrive juste à point pour voir nos proches partir. Et on se dit qu'en fait les mauvais esprits commencent à nous nuire. On rejoint le couloir. Mais ça vaut le coup de voir. Ça vaut le coup de croire. Vérifier si tout est noir. Trop tard pour pleurer. Le bonheur est fleuré. Ça commence à écœurer. Et nous on a faim. Nous on a rien. Vous vous blindez bien. Vous en prenez plein. Et nous on se calme. On se casse le crâne. Pendant que d'autres crânent. Jusqu'à ce que les pleins de gens nous acclament. Jusqu'à que la haine nous incarne. Jusqu'à ce qu'on peine la chicane. Ricane, fume et piave. Fais gaffe, tu te décroches. Analyse que l'on pose. Hoche. La tête. Jette. Ta canette. Chier sur la tablette. Finir sur la targette. Passer pour une tapette. Tu dis tant pis. Nous on en veut. On vaut mieux. Et c'est ce qui fait qu'on est là. C'est ce qui fait qu'on fait ça. C'est les autres qui jugent pas. Ils sont bien. Sans tracas. Perdez. Fracas. Pose des quêtes de racaille. Ça se la pète. Et tire des rails. Frime et délaye. Nous on trime. On s'éveille. On s'évente. Entre faux frères. Entre faussaires. Entre faux jetons. Entre garçons de la rue. Élevé à la bue. Achevé déçu. Déchu. Perdu. Comme toutes ces années. Il a fallu s'armer. Monter son cœur comme une armoire. Et surtout pas perdre la mémoire. Sûr qu'on raconte pas d'histoire. Ouais.